On continue de dérouler tranquillement l'aspect française avec Existence ou Existence, puisqu'à la différence des groupes de heavy français qu'on vous a diffusés ces derniers mois, tels que Tentation et Herzl, là on est sur du heavy non pas old school mais plutôt moderne, et un chant en anglais. L'accent franchouillard heureusement n'est pas trop marqué, donc musicalement en plus ça tient la route. Le groupe nous vient du nord de la France, actif depuis 2008, et c'est là son quatrième album studio. Voilà, Existence ou Existence, donc pour la suite, en doublette avec Hegemon, donc Existence c'est une nouveauté, hein. Hegemon, groupe qu'on a pris le temps de s'écouter pour la première fois la semaine dernière. Hegemon, qu'est-ce qu'on peut dire, 5e effort studio pour le groupe de Black originaire de Montpellier. 25 ans de carrière pour la formation qui voilà la sortie de son 6e effort studio. Voilà, et puis à noter que le passage du groupe de Season of Mist aux Acteurs de l'Ombre en termes de label. Sidereus Nuncius, c'est le nom de ce nouvel effort studio. On s'écoutera le titre Melonta Taota. Existence, The Power of the Gods, extrait de leur nouvel effort studio Wolf Attack. Une sortie prévue le 29 octobre. Thank you. Le rythme est bon, donc on va le garder pour clôturer l'aspect française avec une toute dernière doublette, doublette de nouveautés en plus. Slapdown, tout d'abord, groupe de Death, à tendance brutal Death, qui sort son tout premier album studio après un premier EP qui a eu le jour en 2018. Slapdown, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas bien malin, mais c'est bien efficace. En revanche, c'est très bien conçu, très bien composé et très bien exécuté. On retrouve en guest une fois de plus l'ami Julien de Benighted, hein, c'est vrai que sur la scène française en termes de guest, il est apparu pas mal de fois entre 2020 et 2021. En même temps, le gars est tellement accessible et sympa, pourquoi s'en priver? Et en doublette avec Slapdown, on retrouve Bishop, toute jeune formation venue de Metz. Ils sortent là leur premier album, un album éponyme. Musicalement, on est sur un espèce de mélange crasseux entre du sludge, du post-hardcore et des éléments black metal. L'album est constitué de 4 morceaux qui vont de 6 à 13 minutes. Et ailleurs, il n'y a pas de dénomination spécifique, hein, ils sont sobrement intitulés Untitled. Voilà pour les présentations pour Slapdown et Bishop. Raging Cumshot, le titre pour Slapdown, extrait de leur premier album Fundamentally Wicked, une sortie aimée aux musiques. Bishop, ensuite on s'écoutera le morceau Untitled 3, extrait donc de leur premier album studio éponyme Bishop. A noter que l'album est prévu pour le 29 octobre, c'est encore une avant-première donc. We'll be right back. bien ma foi, on va s'approcher tranquillou de la fin de l'émission, on se rapproche du dernier quart d'heure. On va s'écouter une nouvelle doublette avec une nouveauté dedans. Nous avons donc tout d'abord, je reprends mon fil, Duel. Duel qu'on a déjà présenté ces dernières émissions, un groupe de stoner, hard, desert rock, ricain, actif depuis 2016. Ils sortent là leur quatrième album studio, plutôt productif. C'est bien foutu, ça groove, ça fuzz. Ça permet de respirer au milieu de l'émission avec des inspirations qu'on peut rapprocher d'un Audrey Horne ou Spiritual Beggars. Voilà, Duel, ce nouvel effort studio est déjà disponible, Incarné Persona. Et Sol Sistere, qu'on va s'écouter dans la doublette avec Duel, là c'est une vraie nouveauté. Sol Sistere, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien c'est un groupe de Black Atmo qui nous vient du Chili. Actif depuis 2013, troisième effort studio, on compte une bonne heure de musique. On est donc sur un black metal assez axé sur des atmosphères, des compos longues, bien construites, donc comprendre pas ennuyeux. Ça arrive aussi même pas le truc. Par contre, c'est vraiment très très bien fait, ça s'écoute au casque et ça s'apprécie à fond. Et en termes d'inspiration, on peut rapprocher ça d'un Winterfields, par exemple. Duel avec le titre Dead Eyes, et ensuite Sol Sistere avec le titre Nosophagus, extrait de l'album éponyme Sol Sistere. C'est parti. Thank you. enchaîne avec une sortie sur un label qu'on apprécie tout particulièrement depuis quelques mois, Tony Buckspin Records, qui nous offre là Atrey Billis, un jeune groupe de death canadien formé en 2018. On est sur du putrid death un peu black end. Un premier EP avait vu le jour en 2020, et donc là c'est leur premier effort longue durée. Atrey Billis, c'est ultra qualitatif, cet album s'appelle Apex Sapien. On va s'écouter le morceau By the Real France Mao, et dans la foulée Cryptos, formation old school de Heavy venue d'Inde. Ils sortent là leur nouvel effort studio Force of Danger sur le label AFM Records, et on s'écoutera le titre Thunderchild, Atrey Billis et Cryptos, c'est parti. The walls of the love is very fast for us. Et voilà, on en est déjà à la fin de l'émission, on va donc s'écouter la toute dernière doublette pour ce soir. Juste avant ça, petit rappel, émission spéciale dimanche prochain, ça tombe pile le soir d'Halloween, ce sera une émission en différé. On va vous proposer 2 heures d'émission classique et 1 heure bonus. On remercie d'ailleurs encore au passage tout simplement Electron Libre qui a accepté exceptionnellement de décaler, voire même je crois de faire sauter son créneau pour qu'on puisse occuper l'antenne de 21h à minuit. On vous en dit plus dans la semaine sur cette petite heure bonus spéciale sur le thème d'Halloween. Et vous allez voir, on va pas parler de citrouille et d'autres sorcelleries de bas étage. La clôture de l'émission d'aujourd'hui avec une dernière nouveauté, Dotzwanger. Qu'est-ce donc que cette formation ? Eh bien, c'est un espèce de all-star band black metal international, une sortie d'Ebemur Morty Productions. C'est le deuxième effort studio pour ce groupe formé en 2014. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le line-up ? Eh ben, notamment le français Bestial Satanic Terror, alias BST, ex-membre bien sûr de Balrog ou autre Aozos, le batteur Antichristian ex-Tudor, et surtout Shatrog, tête pensante de Horna et Sargeist, entre autres sur la scène black metal finlandaise. Donc voilà, ça manque pas d'expérience, et clairement ça s'entend musicalement, c'est brutal, c'est pesant, c'est malsain, et c'est très plaisant. Serpents of Old, sortie prévue le 29 octobre chez Ebemur Morty Production. On s'écoutera le titre Black Dragon Phoenix pour Dotzwanger. Et pour clôturer l'émission, Occult, un extrait de leur nouvel effort studio Crepitation of Phlegethon, une sortie Everlasting Pseudo Record. Et on se quittera avec le titre Lurid, Placeless Echoes. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. À dimanche prochain, encore une fois, petit rappel pour la spéciale. À ciao ciao.